Voilà, c'est parti pour ce tout premier podcast de l'atelier de l'orthophoniste. Je suis ravie, en fait, hein, je suis ravie d'enregistrer ce premier podcast. Ça me tenait à cœur hein, d'ouvrir un podcast depuis un moment. C'est un support qui me plaît bien, un moyen de communication qui me plaît bien. Et voilà, j'avais envie d'ouvrir un podcast pour aborder des thèmes différents, pour aller un petit peu plus loin que ce que je propose déjà sur les réseaux sociaux, sur mon site. Voilà, donc je vais me présenter pour ce premier épisode. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui ne me suivent pas, je suis Laura, orthophoniste en libéral depuis maintenant 6 ans. J'accompagne des familles, alors principalement des enfants, j'accompagne aussi des adultes, hein, mais c'est vrai que l'essentiel de ma patientèle est composé d'enfants. Voilà, que je vois principalement pour des difficultés de langage, d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, des mathématiques et des difficultés d'alimentation. Voilà, c'est grosso modo les domaines dans lesquels j'accompagne les familles. Voilà, et donc j'ai créé l'atelier de l'orthophoniste pour proposer des ateliers en ligne, des formations pour les parents qui souhaiteraient en savoir plus sur le développement de l'enfant, qui souhaiteraient accompagner au mieux leur enfant, voilà, qui traverse des difficultés ou qui, voilà, qui souhaiteraient en savoir plus en fait et aller plus loin pour accompagner leur enfant. Voilà, et puis donc sur mon site et sur les réseaux sociaux, en parallèle du coup des formations que je peux proposer, je partage en fait hein, tout un tas d'activités, d'idées de livres, des conseils, un petit peu mon quotidien d'orthophoniste et de maman aussi, puisque du coup je suis aussi maman de deux petites filles, l'une qui a 4 ans et l'autre qui a 9 mois. Voilà, donc je partage un petit peu ma vie entre mon métier d'orthophoniste et mon métier de maman, voilà, qui me prennent beaucoup de temps, mais qui me passionnent énormément. Et c'est vrai que les deux s'enrichissent l'un l'autre. Et vous allez voir d'ailleurs dans ce podcast, c'est un. Voilà, ma casquette d'orthophoniste et ma casquette de maman sont étroitement liées au thème de ce premier podcast. Donc on va démarrer justement. Ce premier épisode va être consacré au dessin animé. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, ce podcast se veut particulièrement déculpabilisant. Hein, je le dis d'emblée, je ne vais pas accabler les parents et refaire tout le discours anti-écran qu'on peut lire et entendre voilà, un petit peu partout. Je pense que la plupart d'entre nous avons bien en tête les dégâts et les effets néfastes que peuvent avoir les écrans sur les enfants et sur notamment les plus jeunes enfants, hein, les jeunes cerveaux en développement. Voilà, donc je pense que tout le monde est au fait de ça, donc j'avais pas envie de refaire un énième discours là-dessus. Au contraire, j'avais envie d'apporter un petit éclairage un petit peu différent. J'avais envie d'apporter mon regard d'orthophoniste et de maman sur les dessins animés. Parce que c'est peut-être un petit peu moins connu que les effets néfastes hein, que peuvent avoir les écrans sur les enfants. Eh bien, les dessins animés peuvent aussi avoir en fait un effet bénéfique sur les enfants. Et voilà, tout est. Alors, on sait, ça va être tout le sujet de ce podcast. Hein, tout est une question de proportion et de qualité des dessins animés. Mais je vais y revenir du coup dans ce podcast. Voilà. Donc, je voudrais commencer ce podcast par déculpabiliser les parents. Car moi, je rencontre en fait au quotidien, dans mon cabinet, des parents qui culpabilisent énormément en fait de mettre, enfin que leurs enfants en fait apprécient les écrans et passent du temps devant les écrans. En fait, c'est quelque chose, par exemple, hein, c'était une question que je posais au début. Dans mes entretiens avec les parents, je posais la question du nombre d'heures ou de temps passé devant les écrans. Et je me suis aperçue qu'en fait, quand on posait cette question, ça mettait les gens extrêmement mal à l'aise la plupart du temps. Enfin, moi, j'obtenais rarement des réponses, ou en tout cas rarement les bonnes réponses, à mon avis. Les gens avaient tendance à sous-estimer ou à minimiser le temps passé devant les écrans. Et je trouvais que ça instaurait un climat de confiance. que ça mettait déjà un petit bris dans le climat de confiance qui pouvait, enfin la relation de confiance qui commence à se tisser, parce que bah, les gens se sentent un peu jugés par cette question. Et souvent, en plus, ils répondent pas honnêtement. Donc, c'est vrai que du coup, il y a un petit mensonge qui se met en place dès le départ. Et je trouve finalement, avec le recul, que c'est. Enfin, je finis par plus du tout poser cette question pendant les entretiens, parce que ça ne me paraît pas opportun. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là que je me suis rendu compte que, quand même, énormément de gens culpabilisaient. De mettre leurs enfants devant les écrans, puisqu'ils ont tout à fait bien intériorisé en fait le discours et puis les recommandations scientifiques qui ont été faites, mais pour autant ils proposent quand même les écrans à leurs enfants, mais ils le font en culpabilisant et en se sentant de mauvais parents. Donc voilà, moi j'avais envie un petit peu d'apporter de la nuance aujourd'hui et de vous expliquer quels peuvent être les effets bénéfiques des dessins animés. Et bien sur le développement de l'enfant, car je suis convaincue qu'une bonne utilisation des dessins animés peut tout à fait faire partie de l'équilibre général d'un enfant, de l'équilibre global d'un enfant, au même titre que d'autres supports évidemment, au même titre que les livres, que les jeux, le fait d'aller dehors, voilà. Pour moi, ça peut tout à fait entrer dans l'équilibre global d'un enfant. Voilà. Alors, moi, en général, avec les familles que j'accompagne, souvent pour parler des écrans, j'ai l'habitude d'utiliser la comparaison avec l'équilibre alimentaire. Parce que c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus parlant. En fait, pour moi, les dessins animés, ça peut être un petit peu comparé à des gâteaux. Voilà, les gâteaux, c'est quelque chose de très bon, souvent de délicieux, qui permet de passer un bon moment, qui est réconfortant, qui est doux, dont on en redemande et on voudrait en manger que ça. Voilà, on aurait envie des fois de s'empiffrer de gâteaux. Mais pour autant, on est tous conscients que les gâteaux, c'est fait avec du sucre, qu'on ne peut pas nourrir son enfant que de gâteaux. Et que si notre enfant n'est nourri que de gâteaux, il va forcément grossir ou avoir des problèmes de santé. Voilà. Et bien avec les dessins animés, c'est exactement pareil. Voilà, l'excès de dessins animés, l'excès d'écran provoque des effets néfastes sur les enfants, notamment une agitation, une hyperactivité, des difficultés de concentration, des difficultés de communication. Ça, c'est acquis. Maintenant, tout le monde le sait. Mais voilà, là on parle de l'excès de présentation des enfants à l'écran. Une surexposition aux écrans provoque ce genre de conséquences. Mais si on revient à la comparaison des gâteaux, voilà, autant c'est donc les gâteaux sont faits avec du sucre et peuvent être donc néfastes pour l'équilibre alimentaire et la santé si on en mange avec excès. Autant ça peut tout à fait faire partie d'un équilibre alimentaire et d'un régime alimentaire équilibré si on ne passe pas sa journée à s'empiffrer de gâteaux, si on plus, encore mieux, si on fait ses gâteaux soi-même et qu'on choisit des ingrédients, enfin qu'on les fait avec des ingrédients choisis, eh bien ça peut tout à fait rentrer dans l'équilibre alimentaire sans que ce soit une catastrophe. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Voilà, pour moi les dessins animés c'est exactement pareil que les gâteaux. Voilà, tout est une question de quantité et de proportion. On ne passe pas sa journée à regarder des dessins animés comme on ne passe pas sa journée à manger des gâteaux. Voilà, c'est une question de bon sens. Voilà. Ceci étant dit, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Moi je suis convaincue que si les dessins animés sont bien choisis et si l'enfant ne passe pas tout son temps libre devant les écrans, les dessins animés peuvent être vraiment bénéfiques pour le développement de votre enfant. Et voilà, on a tendance à l'oublier avec le discours qui prédomine, quoi. Enfin, le discours actuel, c'est plutôt un discours de peur, un discours de méfiance. C'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu le bon sens, c'est-à-dire que ben, un peu de dessin animé, ça va pas du tout faire fondre le cerveau de votre enfant. Hein, c'est clair et net, bien au contraire même, je dirais. Là, vous verrez au fur et à mesure de ce podcast, quand je vais vous détailler un petit peu quels peuvent être les apports bénéfiques, des dessins animés. Bien au contraire, s'ils sont utilisés intelligemment, les dessins animés peuvent tout à fait être une bonne chose pour les enfants. Alors, avant d'arriver à ce point-là, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire, notre histoire à nous, et pourquoi en fait je suis arrivée à cette réflexion sur les dessins animés. En fait, nous, donc moi j'ai donc une aînée, hein, une grande fille qui a 4 ans actuellement, et c'est vrai que les dessins animés ont fait un petit peu leur entrée chez nous dans notre vie quand ma fille a eu entre 2 ans et 2 ans et demi. Voilà. Donc vous voyez, je suis orthophoniste et j'ai enfreint l'une des grandes règles établies, c'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans. Et ben voilà, chez nous ça n'a pas été le cas. On va dire que j'ai cédé, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pensé au début. J'ai pensé avoir cédé, avoir craqué, avoir cédé à la facilité. Voilà, au début... Je me suis un petit peu flagellée sur ce sujet-là, et puisque du coup je suis orthophoniste et que c'est vrai que je suis bien au fait des conséquences des écrans sur le développement des enfants. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête avant d'avoir des enfants. Et c'était un petit peu, voilà, moi j'avais bien, avant d'avoir des enfants, j'avais bien en tête, je m'étais dit, je m'étais un peu donné comme mission de ne pas... présenter des dessins animés à mes enfants avant 6 ans. Voilà, c'était en fait l'idée que j'avais, voyez. Comme quoi, avant j'avais des idées et maintenant j'ai des enfants. Voilà, c'était exactement le cas pour moi. Donc voilà, je m'étais vraiment dit, pas d'écran avant 6 ans à la maison. Et en fait... parce que en fait, et moi, vous voyez, dans ma salle d'attente d'orthophoniste, j'avais des affiches qui dénonçaient un petit peu les méfaits des écrans. J'étais totalement convaincue, hein, moi, par le discours anti-écran, et je me disais vraiment que voilà, que ça aurait des conséquences terribles sur le développement du cerveau de ma fille si jamais elle regardait des dessins animés avant l'âge de 6 ans. Le fait est que, voilà, après, ben, on a des enfants et on a la vie, la réalité qui se présente. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite fille qui a toujours eu des difficultés de sommeil, enfin des difficultés, en tout cas un sommeil un petit peu compliqué, on va dire, et notamment les siestes. Et voilà, à l'âge de 2 ans, eh bien, les siestes étaient totalement terminées. C'était déjà compliqué avant 2 ans, hein. Mais du coup, on a tenu le coup jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire qu'on arrivait quand même à faire des temps calmes, à faire des siestes et tout ça. Et il y a eu un moment où le temps calme, c'était devenu très compliqué. Et à cette période-là, il y avait également une forte période d'opposition qui rendait les journées vraiment rudes et intenses et difficiles. Et voilà, qui ont mis mes nerfs à rude épreuve, nos nerfs aussi, hein, du coup... de parents à rude épreuve. Et c'est en fait à cette période-là que les écrans ont fait apparition dans notre vie. Parce que je me suis dit, au bout du compte, voilà, elle veut plus faire de temps calme. Cette période-là, c'était ça. Hein. Il y avait même la lecture, c'était pas possible. Les petits livres sonores, c'était pas possible. La musique, c'était pas possible. Le fait de rester dans le noir avec elle à côté, c'était pas possible. En fait, j'avais essayé vraiment... un petit peu tout ce que j'avais comme botte secrète ou comme technique à m'apporter. Et puis un jour, je me suis dit, et si on tentait un petit dessin animé, et si on tentait des petites choses? Et ben, on a tenté. Et le résultat ne s'est pas fait attendre très longtemps. C'est que ça l'a apaisé immédiatement. Enfin, elle a été... Elle s'est posée dans le canapé près de moi, et puis qu'on a pu un petit peu faire redescendre les choses et se calmer l'une et l'autre et s'apaiser. Donc voilà, c'est grosso modo comme ça que ça a démarré chez moi. Donc ça a démarré tranquillement, hein. Évidemment, je ne la scotchais pas devant la télé pour m'en débarrasser toute la journée, hein, je vous rassure évidemment. C'était vraiment sur le temps de la sieste, voilà, on en regardait quoi, peut-être 20 minutes, 30 minutes, je ne sais plus bien, mais c'était histoire de souffler, parce que voilà, quand on a un enfant, je pense que ça va parler à beaucoup de parents, hein, qui m'écoutent, mais quand on a un enfant qui se réveille à 7h, 7h30 du matin, et que c'est non-stop, non-stop, sans sieste le matin, sans sieste l'après-midi, c'est des fois extrêmement difficile à tenir. Et voilà. Donc, si ça peut en déculpabiliser certains ou certaines qui m'écoutent, ça arrive chez tout le monde, y compris chez les professionnels de l'enfance et du développement de l'enfant. Et c'est là que j'ai compris, effectivement, que je me suis rendu compte que en fait, le cerveau de ma fille n'était pas du tout en train de se liquéfier, elle n'était pas en train de se transformer en monstre abominable ou en créature étrange. Voilà, elle restait exactement la même petite fille que celle que je connaissais habituellement. Sauf que du coup, j'ai fait plusieurs constats en découvrant un petit peu les dessins animés avec elle, avec mon regard d'adulte et d'orthophoniste, hein, puisque c'est vrai que je connaissais déjà les dessins animés, mais en étant enfant. Là, on va dire que j'ai redécouvert avec elle les dessins animés, mais du point de vue de mon point de vue d'adulte. Et alors, donc, qu'est-ce que j'ai pu constater. Déjà, la première chose qui a été évidente, c'est que la situation dans laquelle on était s'est apaisée immédiatement. Voilà, moi, en ayant un temps calme dans mon après-midi, elle en ayant un temps calme dans l'après-midi, ça y est, du coup, on avait un peu nos batteries qui se remettaient, enfin, qui se rechargeaient. Moi, j'étais plus à cran et complètement tendue. J'ai pu, du coup, passer un moment paisible. De partage, de complicité avec mon enfant à ce moment-là, et du coup repartir après cette pause-là sur une journée tout à fait classique. Ce qui était extrêmement difficile avant, quand il n'y avait pas de sieste, c'est que du coup les journées se défilaient, enfin défilaient sans pause comme ça quoi. Donc déjà la première des choses, c'est que ça peut, dans certaines situations, apaiser voilà, les choses. Et du coup, progressivement, moi, je me suis mise un petit peu à revoir ma copie concernant les écrans et à réfléchir un petit peu. Et voilà. Et j'ai quitté un petit peu l'extrémisme dans lequel je pouvais être avant, en réanalysant le truc et en me disant qu'effectivement, voilà, il n'y avait pas mort d'homme et qu'il ne fallait pas tomber dans l'excès et que c'était vraiment une question de bon sens. Voilà, des dessins animés choisis. Un temps limité, c'est pas du tout la catastrophe pour les enfants, bien au contraire, puisque du coup je me suis aperçue, il y a des chouettes choses hein, qui se sont, enfin qui ont apparu aussi avec ça, c'est que voilà, alors ma fille a toujours eu un bon langage, elle a parlé assez tôt et elle a toujours bien parlé, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'avec ben l'ajout des dessins animés hein, dans notre vie, alors petite précision là, je parle des dessins animés, donc dans une vie équilibrée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les dessins animés, pas que les écrans, mais il y a à côté tout un tas d'autres activités manuelles, les livres, d'activités en extérieur, voilà, plein d'autres choses à côté, des comptines, de la musique, voilà, à côté de ça, enfin, je partageais plein, plein, plein d'autres activités avec ma fille que les dessins animés, hein. Bien entendu. Mais je me suis rendu compte effectivement qu'en rajoutant en plus de ce qu'on pouvait faire par ailleurs, en rajoutant en plus les dessins animés, il y a eu très rapidement aussi un enrichissement de son vocabulaire. Voilà, donc là, je rentre plus dans le côté des points positifs que peuvent apporter les dessins animés et dans le point un petit peu le côté de l'orthophoniste. Je me suis aperçue et j'ai pu réfléchir là-dessus, je me suis rendu compte que très vite son vocabulaire devenait assez précis, qu'il y avait des nouveaux mots qui émergeaient, que des mots qu'on n'utilisait pas nous forcément au quotidien, hein, qui venaient vraiment des dessins animés qu'elle pouvait regarder et qu'elle se les appropriait extrêmement vite. Donc oui, en fait, les dessins animés peuvent être un moyen tout à fait ludique et rapide d'augmenter le vocabulaire d'un enfant. Pour peu que le vocabulaire du dessin animé en question, enfin le langage, soit de bonne qualité. J'y reviendrai après. Je me suis rendu compte également que les tournures de phrases, que son langage en fait, sa façon de former ses phrases, s'enrichissait également. Elle pouvait faire des phrases de plus en plus longues, de plus en plus élaborées. Alors, ça s'inscrit dans un développement général de l'enfant, hein. À côté, effectivement, on faisait pas mal d'autres choses, mais Et je me suis rendu compte qu'elle s'appropriait en fait des façons de parler ou des structures de phrases de son dessin animé préféré. À l'époque, elle regardait Caillou. Voilà, c'est le premier dessin animé qu'elle s'est mise à regarder. Et Caillou, du coup, c'est son petit personnage préféré. Et je me suis rendu compte qu'elle employait vraiment des tournures de phrases, des petites expressions, qu'elle prenait appui en fait sur des choses du dessin animé et qu'elle essayait vraiment de se les approprier. Donc, voilà, un enrichissement du vocabulaire, un enrichissement des tournures de phrases. Et donc ça c'était le démarrage, mais bon après du coup, voilà, on s'est mis à regarder des petits dessins animés fréquemment, et puis varier aussi les dessins animés. Et je me suis rendu compte, hein, du coup, au fur et à mesure que eh bien, les dessins animés étaient vraiment un support très intéressant pour nourrir l'imaginaire, au même titre que les livres en fait. Combien de fois est-ce que j'ai vu ma fille eh bien, partir de thèmes qu'elle avait pu voir dans un dessin animé ou de scènes qu'elle avait pu voir dans un dessin animé et d'extrapoler autour de ça, d'inventer des suites, de créer un petit peu son univers, d'ajouter des choses comme elle pourrait le faire quand elle joue avec ses jeux, hein, mais voilà, en partant du coup de situations qu'elle a pu voir dans les dessins animés. Moi, je trouve que c'est également, les dessins animés sont également des chouettes supports pour développer la compréhension de façon générale. Alors du coup, il y a la compréhension orale, puisque le message d'un dessin animé passe par le langage. Donc l'enfant doit forcément faire un effort pour comprendre le langage, pour comprendre le vocabulaire, pour comprendre les tournures de phrases. Donc là, il y a la compréhension du langage, mais il y a également la compréhension des situations. C'est-à-dire que l'enfant, quand il regarde les histoires de ces dessins animés, il va comprendre un petit peu les situations, comprendre les liens entre une certaine cause et leurs conséquences, développer sa logique. Alors ça, c'est évidemment aussi ce qui se développe par le biais des lectures, hein, par le biais des lectures, mais les dessins animés, au même titre, en fait, ce sont des histoires, les dessins animés, hein, c'est comme des livres, ce sont des histoires, sauf qu'elles sont animées et qu'elles sont du coup plus, enfin, sonore aussi du coup, mais ça participe vraiment au même titre que les livres au développement en fait de la compréhension et au développement des inférences. Alors les inférences, c'est ce qui permet en fait de comprendre ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas dit explicitement. Et en fait, l'enfant, au fur et à mesure, hein, alors c'est pas, évidemment, c'est pas au début quand il regarde des dessins animés ou au début quand il lit des livres, hein, qu'il comprend tout de suite les inférences et le deuxième sens, mais petit à petit, au fur et à mesure de sa construction, il va se mettre à comprendre un petit peu ce qui est sous-entendu, ce qui se passe un petit peu en dessous des choses. Et en fait, les dessins animés contribuent énormément à ça. Là, ça a été un petit peu aussi la découverte que j'ai faite avec ma fille. C'est que je me rendais compte en fait que elle me disait, hein, quand on discutait des dessins animés, elle pouvait me dire par exemple, voilà, le personnage, il dit ça, il pense ça parce qu'il lui est arrivé ça, là, enfin, il dit pas ça, mais comme il a fait ci, c'est que, voilà, elle commençait à vraiment réfléchir, à se mettre à la place des personnages et à réfléchir sur ce qu'ils pouvaient penser, à réfléchir sur ce qu'ils pouvaient ressentir, voilà, des choses qui ne sont pas dites explicitement en fait dans le dessin animé, mais elle s'est mise vraiment à se projeter, à s'identifier et à réfléchir à la place du personnage. Et du coup, j'en viens à un autre point. C'est que c'est intéressant également pour parler des émotions en fait. Un enfant qui commence à s'identifier à un personnage, qui voit son personnage de dessin animé, qui vit quelque chose de fort ou qui vit quelque chose qui fait écho à ce que lui peut ressentir dans sa vie de tous les jours, eh bien ça l'aide en fait à cerner ses émotions. Ça l'aide à pouvoir en parler aussi avec ses parents. Ça l'aide à revivre des choses qu'il lui-même pourrait avoir vécues. Et voilà, en fait, c'est vrai que du coup, les dessins animés sont un chouette support de discussion, en fait, en famille, de dialogue. Combien de fois, ouais, enfin, moi, c'est vrai que du coup, je regarde souvent les dessins animés avec ma fille, ou alors je suis pas loin quand elle en regarde. Et c'est vrai qu'on commente, elle commente, en fait, et voilà, c'est souvent des sujets, enfin, On parle souvent des dessins animés, des scènes des dessins animés, de ce qui peut y passer, s'y passer. Et on met des mots dessus, elle parle de ses émotions, ça fait écho à sa vie de petite fille, à ce qu'elle peut vivre à l'école. Et elle me dit, ah ben moi aussi, c'est comme Caillou, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça m'est déjà arrivé de faire. Voilà. Et l'enfant, petit à petit, construit comme ça, tout son réseau logique, son réseau, enfin tout ce qui concerne les émotions, l'empathie. Alors voilà, ça rentre évidemment. Je rappelle, hein, les dessins animés sont un support parmi d'autres. Évidemment que l'enfant, il va construire ça aussi avec les livres et puis avec toutes ces confrontations avec les autres enfants, ce qu'il peut vivre à l'école, tout ce qu'il va traverser dans sa vie. Hein, voilà. Mais je me rends compte que les dessins animés sont un support assez rapide, justement, assez facile d'accès pour les enfants, pour s'identifier en fait, et pour mettre certaines choses à distance et pour permettre d'en parler. Voilà, et du coup j'en viens à une autre fonction qui est une fonction un petit peu plus psychologique du coup, une fonction cathartique quoi. C'est-à-dire que les enfants en s'identifiant, là c'est ce que je disais tout à l'heure, ils voient des personnages dans des situations difficiles ou traverser des émotions difficiles, avoir peur, et ça les aide vraiment, enfin ils voient aussi. En fait, ça met à distance. Hein. Ils voient aussi comment ces personnages s'en sortent, quels moyens ils mettent en œuvre pour traverser ces moments difficiles, ou ces moments de tristesse, ou les moments de peur, ou les moments de doute. Ils voient quelles sont les étapes, quels sont les moyens mis en œuvre pour résoudre ces conflits, pour résoudre les difficultés. Et ça leur permet vraiment de mettre en mots, de mettre en lumière, de mettre à distance aussi ce que eux peuvent vivre et leur donner aussi des clés pour pouvoir eux-mêmes ensuite résoudre leurs propres conflits intérieurs ou mettre des mots sur leurs émotions en fait. Voilà. Donc voilà en gros moi ce que je trouve, enfin ce que je trouve d'intéressant moi dans les dessins animés. Je trouve ça c'est assez riche en fait, ça apporte beaucoup de choses pour peu qu'on les choisisse bien. Voilà, et donc là on va en venir du coup à une autre partie que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le choix des dessins animés. Parce que pour moi, pour que ce soit vraiment profitable au même titre que des livres, et d'ailleurs les livres, moi en fait, je les sélectionne aussi, hein, je prends pas n'importe quel livre, même quand on va à la bibliothèque, moi je trouve aussi que dans les livres il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Parfois je trouve qu'il y a des choses qui sont assez inquiétantes ou qui sont pas bien rédigées ou dont le langage n'est pas bon, enfin voilà. Et je sélectionne les livres que je donne à lire à ma fille ou que je lis à ma fille et je sélectionne évidemment aussi tous les dessins animés que je peux lui présenter. Alors, quels sont les... Enfin voilà, je vais vous faire quelques recommandations, quels sont les conseils que je peux vous donner pour sélectionner des dessins animés pour des enfants, disons, entre 2 ans et 6 ans. 2 ans, 2 ans et demi, 6 ans. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de favoriser, de présenter dans un premier temps, surtout pour les enfants jeunes, hein, du coup, si votre enfant a 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, le mieux comme format pour cet âge-là, c'est les formats courts. En fait, les courts-métrages ou les dessins animés qui sont faits par épisode, en fait. C'est plus facile pour la compréhension. Voilà, les enfants de cet âge-là ont un temps de concentration et une mémoire qui est quand même limitée. Et on va dire que du coup, le format court, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum, c'est un bon... une bonne... comment dire... une bonne durée, quoi, une bonne longueur pour eux, pour leur permettre justement une bonne compréhension. Voilà, c'est pas trop court, pas trop long. Pour moi, 10-15 minutes, c'est bien pour des petits. Et en plus, ça permet, je trouve, de mieux réguler le temps passé devant les écrans. Parce que voilà, il suffit de dire à l'enfant, alors moi je vous conseille de prévenir l'enfant, hein, au début du visionnage, Tu vas en regarder deux, tu vas en regarder trois, tu vas en regarder quatre, selon ce que vous avez choisi, selon la longueur, selon... Mais prévenez-le, dites-lui combien d'épisodes il a le droit de regarder, combien d'épisodes il va regarder, voilà. Pour limiter, éviter la frustration après. Mais au moins, ça permet de vraiment limiter. On sait qu'il y a 3 épisodes de 10 minutes, donc 30 minutes, et puis après, bah, on s'arrête. Voilà. Je trouve que c'est très facile, dans ces cas-là, de mettre un petit dessin animé comme ça. C'est très pratique. Et c'est beaucoup plus adapté, je dirais, aux enfants jeunes. Alors, pour les longs métrages, toutefois, type Disney ou Toy Story, enfin tous les dessins animés classiques qu'on peut connaître. Hein. Alors, d'après moi, ce genre de dessin animé, c'est plutôt adapté aux enfants à partir de 5 ans. Pour les raisons que je vous ai expliquées, hein, il y a une question de concentration, une question de compréhension, puis une question aussi d'émotion, de sensibilité. C'est vrai que souvent dans les longs métrages, il y a des scènes plus violentes ou plus inquiétantes avec des méchants. On va dire que ça traite moins du quotidien de l'enfant, c'est des choses un petit peu plus fantastiques ou avec plus d'aventures, des choses qui peuvent être un petit peu plus inquiétantes et qui à mon avis sont plus difficiles à gérer pour des enfants entre 2 et 4 ans. Voilà. Passé 4 ans, ça se discute. C'est à voir selon la sensibilité de votre enfant, selon vos habitudes, selon ce que vous avez envie, ce que vous avez l'habitude, et selon aussi le rang dans la fratrie. Hein, parce que c'est vrai que quand on a un enfant qui est l'aîné, bah en fait on choisit tout, voilà. Mais quand on a le dernier de la famille et qu'il y a les aînés qui regardent déjà des longs métrages, bon, bah, des fois c'est pas facile non plus de l'en priver. Mais voilà. Moi, je considère, pour donner une borne, on va dire, que les longs métrages sont plus adaptés à partir de 5 ans. Voilà. Mais bon, bah, ma fille, vous voyez, elle a 4 ans, on a déjà regardé quelques longs métrages de Disney. Pas beaucoup. Elle a vu Les Aristochats, par exemple. Elle a vu Cendrillon et La Reine des Neiges. Voilà. Justement parce que j'avais trouvé que dans les autres, il y avait quand même des personnages de méchants qui étaient quand même assez méchants, assez inquiétants, des scènes parfois un peu violentes, avec des, bah, par exemple le Roi Lion où il y a la perte du papa, des choses qui sont au niveau émotionnel quand même parfois pas faciles à gérer pour des petits. Et bon, moi ma fille est particulièrement sensible, après voilà, c'est à vous de juger aussi selon la sensibilité de votre enfant, mais voilà, ma fille étant particulièrement sensible, c'est vrai que moi, les longs métrages, j'y vais quand même avec des pincettes. Et souvent, du coup, c'est là le conseil que je voulais vous donner. Moi, avec ma fille, pour les longs métrages qu'on a pu voir, donc les trois, par exemple, les trois Disney qu'on a vus, et on a vu Réponse aussi, donc quatre. Les quatre, j'ai du coup préparé le terrain avant. Avant vraiment de lui montrer le dessin animé en tant que tel, j'avais acheté les petits Disney, les livres en fait. Il y a des petits livres qui sont dans la collection Histoire du soir de chez Disney qui en fait fait le résumé des étapes principales en fait du dessin animé. Et j'avais aussi montré les petits clips de chansons et quelques extraits des films en fait, avant de vraiment lui montrer le long métrage. Parce que comme ça, elle a pu se familiariser avec les personnages, on a pu parler de l'intrigue, des choses un petit peu difficiles. En fait, je la mettais un petit peu en condition, je préparais le terrain pour sa compréhension. Et pour qu'elle puisse du coup se sentir bien quand elle, voilà, qu'elle soit en terrain connu, que ce soit moins angoissant ou inquiétant. Voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, si vous regardez des longs métrages, c'est un petit peu de préparer avec vos enfants avant, parce que ça limite un peu des fois les craintes et puis ben, les cauchemars après quoi. Voilà, donc à adapter selon votre enfant. Voilà, et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre plutôt des dessins animés que vous pouvez choisir vous-même. C'est-à-dire que c'est quand même bien mieux d'avoir la main sur des dessins animés, sur les dessins animés que vous mettez à vos enfants, parce que vous pouvez choisir du coup le langage, le type de dessin animé que vous voulez, alors que si vous les mettez devant les chaînes de dessins animés où les dessins animés passent en continu, vous n'avez pas tellement le choix en fait. Vous n'avez pas tellement le choix, vous n'avez pas tellement la main dessus. Souvent, il y a des dessins animés qui sont un peu bruyants ou qui ne sont pas forcément adaptés à l'âge de votre enfant. Donc, c'est pourquoi moi, je conseille plutôt d'utiliser des sites de streaming ou des plateformes dédiées en fait sur lesquelles on peut sélectionner nous-mêmes les dessins animés quoi. Ça permet vraiment d'avoir plus la main sur les choses et du coup de prendre en compte certains critères. Bah là, les critères dont je vais vous parler, moi, les critères qui, d'après moi, me semblent primordiaux et importants pour choisir des dessins animés. Alors, moi, quels critères je prends en compte en général? Je prends en compte le niveau de langue. Alors là, c'est un, moi, en tant qu'orthophoniste, c'est un de mes critères primordiaux. J'accorde vraiment une importance capitale au langage, moi, et à la correction de la langue dans les dessins animés. Voilà, je déteste les dessins animés où on parle mal, ou on utilise un français pas correct, on utilise parfois des expressions très très populaires, voire vulgaires. Voilà. Moi, j'estime que surtout pour des jeunes enfants, surtout d'âge maternel, enfin, et qui sont encore en plein apprentissage de du langage, en plein perfectionnement, en plein enrichissement de leur langage, il est quand même primordial de leur donner un support de qualité. Et donc, voilà, si vous voulez en plus que le dessin animé soit un support d'amélioration du langage, il faut vraiment prêter attention à la qualité du langage des personnages du dessin animé. Pour moi, c'est important que le dessin animé puisse apporter un vocabulaire riche, un vocabulaire précis, des tournures de phrases correctes. Et voilà, c'est qu'à cette condition-là que ça va contribuer à développer le langage de votre enfant. Sinon, ça va faire l'effet inverse en fait, hein. Puisque l'enfant, il va recevoir ça comme ça, il va se calquer sur les phrases qu'il entend, forcément, il va reproduire ce qu'il entend. Donc, si c'est pas de bonne qualité, son langage sera pas de bonne qualité non plus. Alors, un autre critère qui est très important à mes yeux, c'est le rythme du dessin animé. Je fais très attention, et je pense que ça, c'est vraiment aussi quelque chose de primordial. Je fais très attention à ce que les dessins animés que je propose à ma fille ne soient pas trop frénétiques. Ne soient pas frénétiques, même, je pourrais le dire. Je préfère que ce soit des dessins animés plutôt doux, avec une atmosphère douce et calme. Un dessin animé un petit peu posé, plutôt que des dessins animés frénétiques, dans lesquels les personnages parlent très vite ou sont bruyants. Parce que, alors déjà, ça excite énormément les enfants, ça les sature de stimuli. Si en fait il y a beaucoup de dessins animés, s'il y a beaucoup de musique, s'il y a beaucoup d'effets sonores bruyants, et si en plus ils parlent vite, voilà, c'est pareil, ça va pas faciliter leur compréhension, ou alors ça va les exciter en fait. Donc voilà, un conseil que je vous donne, préférez vraiment les dessins animés plutôt calmes. Ce sera meilleur pour la concentration de votre enfant, pour son calme à lui, hein, ça va éviter ce qu'il soit complètement surexcité, et ça va aussi permettre une meilleure compréhension. Voilà. Alors, un critère dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui me semble également important pour moi, surtout pour les jeunes enfants, c'est un critère de longueur. Voilà, le critère de longueur du dessin animé est quand même quelque chose pour moi qui est primordial. C'est-à-dire que, bon, je préfère, moi, les dessins animés courts, les courts-métrages qui traitent d'un sujet précis, enfin, un épisode sur un thème, plutôt que les longs-métrages dans un premier temps. Voilà. Et puis, critères sur lesquels je me base, eh bien, ce sont les valeurs véhiculées dans le dessin animé. Alors après, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très personnel. C'est vraiment, ça fait partie des choix éducatifs des parents, de vos valeurs à vous, de mes valeurs à moi. Mais voilà, sachez que dans les dessins animés, comme tous les autres supports, il y a des valeurs qui sont véhiculées. À voir si vous êtes OK avec ça et si le dessin animé en question répond à vos attentes, correspond à vos valeurs. Parce que effectivement, si vous décidez de présenter ça à votre enfant, c'est ce qui va lui passer sous les yeux, dans les oreilles. Donc il faut que ce soit quelque chose avec lequel vous soyez en accord. Voilà, donc là je vous laisse juger, mais faites quand même bien attention. C'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu ce qu'on met dans les yeux de son enfant et de connaître un peu les dessins animés d'après moi. Voilà. Parce que c'est important de ne pas leur mettre n'importe quoi dans la tête. Voilà, et du coup, concernant je fais très attention aux thèmes abordés aussi. Pour moi, pour les enfants de maternelle, c'est-à-dire pour les enfants qui ont entre 3 et 6 ans, alors évidemment, si en plus vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous présentez à votre enfant avant 3 ans des dessins animés, c'est encore plus vrai, hein. Du coup, c'est intéressant, je trouve, de leur montrer des dessins animés qui parlent plutôt du quotidien. Un petit peu comme dans les livres, hein, comme dans les livres pour les jeunes enfants. Des livres, comment dire, des dessins animés qui traitent de la vie de tous les jours, qui traitent de leurs craintes, qui traitent de leurs appréhensions, de leurs peurs, de leur journée d'enfant, enfin des choses sur lesquelles ils peuvent s'identifier. Et qui, voilà, pour moi, c'est déjà plus simple pour leur compréhension, c'est simple aussi pour leur identification, et c'est aussi intéressant pour en faire un sujet de discussion en fait. Voilà, je trouve que c'est pour des jeunes enfants, c'est beaucoup plus adapté de prendre des sujets du quotidien que des choses qui sont plus fantastiques ou plus imaginaires en fait. Je trouve que ça vient plutôt dans un second temps. Quand l'enfant a bien construit sa réalité, il peut ensuite passer à des choses qui sont plus imaginaires, qui sont plus fantastiques, qui... Alors moi, j'ai rien contre, hein. Au contraire, moi, je suis passionnée, j'adore l'heroic fantasy, j'adore l'univers magique, et voilà, hein, c'est quelque chose qui nourrit grandement mon imaginaire à moi. Donc, je suis absolument pas opposée, mais c'est vrai que je trouve que pour démarrer dans les fictions, c'est quand même bien d'avoir les pieds ancrés dans le réel, au début en tout cas. Voilà, donc pour moi, entre 2 et 4 ans, on reste quand même dans des histoires qui sont plutôt quotidiennes et qui permettent à l'enfant de bien construire sa propre réalité, de bien cerner du coup son monde, son univers, son vocabulaire, ses émotions, son corps, son environnement. Voilà. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire sur les dessins animés. Alors j'espère que ça vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura appris aussi certaines choses. Alors sachez que là du coup je suis aussi en train de faire un PDF qui résume en fait ce que j'ai pu dire dans le podcast et dans lequel je vais aussi, je pense, mettre une liste de dessins animés, vraiment de titres hein, du coup de dessins animés que vous pouvez proposer à vos enfants selon leur âge. Hein. Et du coup, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de recevoir ce PDF, eh bien écoutez, il vous suffira de le demander, de cliquer sur le lien en fait associé au podcast pour pouvoir recevoir par mail du coup le PDF dans lequel il y aura tout le résumé des différents points bénéfiques des dessins animés, des différents critères sur lesquels je me base, des conseils que je vous donne et puis de la liste de dessins animés que je recommande pour les enfants jeunes quoi. Voilà, et puis du coup donc avec ce PDF, enfin si vous ce PDF vous intéresse, vous entrez votre adresse mail et vous serez du coup inscrit dans ma mailing list. Voilà. À quoi ça sert du coup d'être inscrit dans ma mailing list? Quel sera du coup votre intérêt? C'est-à-dire que vous aurez du coup des nouvelles de l'atelier de l'orthophoniste, vous serez toujours tenu informé de la sortie d'un nouveau podcast. Et puis effectivement, vous pourrez recevoir de façon inédite du coup les PDF que je fais, c'est-à-dire du coup les conseils que je ne donne du coup qu'aux gens qui sont inscrits à ma mailing list et que je ne donne nulle part ailleurs. Voilà, je ne les publie pas ceux-là sur les réseaux sociaux. Du coup, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, bien écoutez, du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je discute un petit peu par mail. J'envoie des. Alors, ça dépend des fois, en fait, hein, je fais un peu aussi selon mes inspirations du moment, mais voilà, j'envoie soit des PDF de conseils, des PDF sur certains sujets. Ça peut aussi des jeux, des idées d'activités. Et puis, évidemment, du coup, par mail, vous recevez effectivement aussi des promotions spéciales sur les formations et sur les ateliers en ligne. Voilà, du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère que du coup, ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.